Question 9. J'habite dans la rue en face. Je suis obligé de suivre la déviation. Oui, réponse A. Non, réponse B.